Ce jeudi à Assemblage Requis, les découvertes musicales de Maxime Le Miller-Amy dans son blog Télécharge quoi? Et Mathieu va nous préparer une chronique technologique CNX. C'est le plan court mais direct d'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, aujourd'hui 15h.